L'équipe de la SADC Maria Chapdelaine désire vous remercier pour la confiance que vous leur avez accordée durant la dernière année et elle vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une bonne année. Que cette nouvelle année vous apporte le bonheur, la réussite, le succès dans vos projets ainsi que l'accomplissement de vos rêves. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. La période des fêtes est un bon temps pour se faire de bons repas. À la boucherie François Ladeau, nous offrons tout ce qu'il faut pour vous accommoder pendant cette belle période. Une boucherie où la viande est de qualité et d'une fraîcheur irréprochable est servie avec le grand sourire. Tous les employés de la direction de boucherie François Ladeau sur 227 6e avenue à Dolbeau-Missassigny vous remercient de votre confiance témoignée pendant l'année qui s'achève et vous souhaitent un très joyeux Noël et une bonne année. Boucherie François Ladeau au numéro de téléphone 418-276-4888. Le temps des fêtes est un bon temps pour fraterniser avec les gens qu'on aime. Et l'équipe de Batterie Expert aimerait souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à ses clients et amis. Et les remercie de leur confiance durant l'année qui s'achève. Batterie Expert au 356 8e avenue à Dolbeau-Mistassini. Au 418-979-7812. On va parler de la revue de la NBA avec de l'année avec notre ami Pascal Jobin. Salut Pascal. Salut Danny, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Pascal, question que je vais poser à tous mes invités pendant la période des fêtes. Ton plus beau cadeau de Noël qui a rapport avec le sport, c'est quoi? Mon plus beau cadeau de Noël qui a rapport avec le sport. Ben, tu sais quoi? Si on parle de sport, quand Samuel a fait la NBA, son premier match d'exhibition, si je ne me trompe pas, c'était contre les Mavericks de Dallas. Okay. Et okay. Juste d'être assis avant le match, comme tout seul dans l'aréna. Mais c'était les à deux Noël. Il faut que ça soit dans le temps des fêtes. Là. Ah, OK. Moi, j'avais plus cadeau dans la tête. Okay. Ben c'est pas compliqué. J'ai fait le match, si je ne me trompe pas, OKC Miami à TV. Ah oui, le 25 décembre. Oui, oui, oui. 25 décembre, ouais. Je pense que c'était OKC Miami, puis j'avais même fait une petite prédiction, j'avais même collé le jeu, puis c'est exactement ça ce qui est arrivé. Puis je pense que OKC avait gagné sur un buzzer avec Durant. En tout cas, mais c'était le match TVA Sports. C'était mon premier match à la télé. C'est fait le 9 ans en passant, en 2011, puisque TVA Sports est arrivé en 2000. Ça passe vite terriblement. Pas loin de 10 ans déjà. C'était à midi, je me m'avais vu, c'est ça? Ouais, c'était en début d'après-midi. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pas si longtemps que ça, là. Donc, c'est ton plus beau cadeau des fêtes. Pascal, l'année 2019-2020 était très, très, très, très bizarre, évidemment. C'est la NBA qui a eu deux décès majeurs, de très, très, très majeurs. Et c'est arrivé en janvier d'abord, au départ. Le décès de David Stern, tout de suite en début d'année, je pense, le 2 ou le 3. Et ça a vraiment changé. Écoute, David Stern, c'est lui avec Michael Jordan. Si la NBA est devenue ce qui est devenu, c'est à cause de ces deux gars-là. Ouais, absolument. Écoute, on parle de lui comme... il a rendu la ligue plus locale au niveau des États-Unis, au niveau mondial. C'est avec lui qu'on a eu le Dream Team en 92, l'ouverture des joueurs NBA aux Olympiques. Fait que je pense qu'il était... son côté marketing de la ligue et des joueurs fait de la NBA une des ligues, et encore aujourd'hui, là, les plus médiatisées, et on suit les joueurs, tu sais, sur Twitter, puis comme LeBron, il dépasse tous les athlètes, beaucoup d'artistes, fait que, mais David Stern, je dirais, avec, comme tu as dit, la venue de Jordan, là, mais David Stern a vraiment mis la NBA sur planétaire, comme on pourrait dire. Parce que rappelle-toi, lorsqu'il a pris ça, même les codes d'écoute de CBS, écoute, la finale t'est retransmise en différé dans les années 80. Là. Exactement. Fait que c'est, comme tu as mentionné, Magic Johnson, la finale contre Philadelphie, ça s'est joué, je pense, à 11h le soir. Ouais. Mais David Stern est vraiment... c'est l'architecte du changement média, télévision, planétaire. Et faut pas t'oublier, des années 80, il y avait beaucoup de situations de drogue dans la Ligue. Il y avait... C'était pas la même situation. Il y a beaucoup de médias qui n'osaient pas toucher à la NBA, puis David Stern a tout changé ça. C'est lui qui a instauré un code d'habillement pour les joueurs quand ils vont au match, des choses comme ça. Donc, ouais. Effectivement. Puis, est-ce que c'est lui ou c'est Jordan qui a fait en sorte, là, parce que les deux sont pas mal arrivés en même temps, ou c'est l'ensemble de l'œuvre? Ben, je pense que c'est l'ensemble de l'œuvre, mais ça prend toujours... Tu peux avoir un super produit et pas bien le vendre. Fait que je pense que les deux vont ensemble. Jordan a explosé, mais David Stern avait déjà commencé un peu avec la vue de Jordan et puis il a vraiment pu pousser l'enveloppe. Mais le timing des deux a fait que ça l'a explosé. Tu as raison. Moi, je dirais que les deux vont ensemble, vraiment. OK. Arrive ensuite, fin janvier, on en parle encore, Kobe Bryant qui décède dans un accident d'hélicoptère. Et je pense que tout l'Amérique, vraiment, et le monde entier pleure le décès de Kobe Bryant. Je ne sais pas quoi en dire encore. Personnellement, ça m'a affecté. Non, je crois pas encore. Je crois pas encore. Je trouve ça tellement dommage, surtout pour sa petite fille Gianna. Ben ouais. T'as une super vedette à devenir dans la WNBA. Là. Ouais. Non, mais juste une personne, tu sais. Écoute, c'est. Tu sais, Danny, il ne faut pas se mentir. Là, à chaque jour, il y a des gens qui décèdent du COVID, Mais Kobe Bryant a touché beaucoup de gens. Puis moi, c'est un de mes joueurs favoris. Puis c'est de la façon qu'il est décédé, qui c'est juste triste. Ah, c'est incroyable ce qui est arrivé. Là. Ça a marqué vraiment le peuple. C'est choisi. Et c'était à Los Angeles également, en plus de ça. C'était vraiment quelque chose qui est de marquant. Maintenant, du côté, évidemment, la NBA bat son plein. Et comme tout le monde, la Terre arrête de virer pratiquement le 13 mars dernier. Et c'est la NBA qui est tout en classé de processus, hein, en retardant des matchs et en annulant des matchs. Bon, on se souvient de la situation à Utah avec Rudy Gobert qui avait testé positif pour le COVID. Donc, à partir de là, la NBA était proactive. Comme tu as mentionné, elle est comme reconnue, comme la Ligue a dit, on arrête tout de suite. Ils n'ont pas pris de chance. Et puis après ça, les autres ligues ont suivi. Mais oui, écoute, Danny, j'ai tellement hâte de parler de 2021. Là. 2020, je suis tellement content que ça. Faut oublier, c'est une année qu'on devrait même pas. Le calendrier, on devrait l'oublier. Là, tu veux dire? Ah, ouais, c'est ça. C'est une année, il y a eu des bonnes choses, mais il y a eu tellement de choses épouvantables. Et puis la pandémie numéro un qui affecte toute la planète. Donc, c'est une année à oublier. OK. Arrive maintenant, on ne sait toujours pas où ça s'en va. Et on retourne en bulle à Orlando. Ça a commencé, je pense, au mois d'août. C'est ça? Ouais, on a invité 22 équipes. Donc, il y a 8 équipes. Annie, là, oublie pas, on a commencé des camps d'entraînement dernièrement, mais il y avait 8 équipes qui n'avaient pas joué là, depuis pendant presque 9 mois. Ouais. Et on a emmené les 22 équipes, une saison condensée. Chapeau à Adam Silver, chapeau à la NBA. Je pense qu'on a dépensé au-dessus d'un milliard. Zéro cas de COVID dans la bulle d'année. Et on a été capable de sortir de là avec un champion NBA. Et puis, les gens, ils comprennent pas, là, mais j'ai parlé à quelques amis proches de la situation, dont, tu sais, mon ancien entraîneur, Stan Van Gundy. C'est un championnat difficile, mon ami, parce que ça paraît pas, là, ils voyagent pas, puis ils sont pas devant les autres foules, tout ça, mais de se motiver à jouer devant presque personne, de pas voir sa famille, physiquement, d'être dans une... Tu sais, Danny, comment c'est le confinement, là, tu sais, veux dire... moi, je dis qu'il n'y a pas d'astérix devant les Lakers de Los Angeles. Ce sont des champions et ils le méritent. Et c'est probablement plus difficile que dans une saison normale. Oui, parce que quelque part, il y a le moral. Tu as géré ça et les joueurs jouaient dans une bulle. C'était pas facile, là, vraiment. Là. Ils ont été quand même 60 jours. Garde ça. 60, c'est pas plus que ça. Plus que ça. Ah oui, plus que ça. Presque 100 jours. Donc, c'est presque 100 jours. Donc, ça a été quand même quelque chose à regarder. Les Raptors qui subissent en 7 matchs la série contre les Celtics de Boston qui subissent l'élimination. Bien, on était content de voir ce que Toronto faisait. Là, on a vu un Pascal Siakam qui s'ennuyait de Kawhi Leonard. Non, Danny, on en a parlé. Ouais. C'est là que Kawhi faisait la différence. On a vu Toronto redevenir plus une équipe normale. Kyle Lowry, qui a eu des hauts et des bas, et qui était quand même le joueur de l'équipe, selon moi. On a vu l'émergence de Van Fleet, mais c'était pas assez. Il manquait ce joueur-là. Il manquait Kawhi Leonard pour faire la différence. Son leadership et ainsi de suite. Exact. Kawhi, son contrat est vraiment actuellement, là, au moment où on a juste le podcast. J'ai vu ça sortir, les Clippers, qui sont qui sont sous enquête. Est-ce que ça va faire de quoi après toi? Ben, bof. Non? On parle peut-être plus de Jerry West. Quand est-ce qu'il a commencé à parler à Kawhi, tout ça. Donc, c'est des choses que moi, je trouve un petit peu pas si intéressant que ça. On parle plus de maraudage ou de situations comme ça. Puis les Clippers pourraient recevoir une grosse amende, là, 1 million, 1,5 million. Ben, ça changera pas le logo de Jerry West. Je pense pas qu'il va avoir beaucoup d'affaires négatives. C'est fait. C'est selon moi, tu passes à d'autres choses. OK. Du côté maintenant, il y a eu le repêchage. Ça n'a pas été une grande année cette année pour une grande QB pour le repêchage cette année. Non. Ça va être intéressant de voir des gros noms qui le Melo Ball. On voulait voir ce qui se passait avec ça, avec Jonathan Edwards qui est moins connu, mais qui était numéro un au premier choix. Puis le joueur à surveiller, selon moi, c'est James Wiseman qui est rendu avec les Warriors de Golden State. Il va avoir le temps, lui, de pouvoir se développer, tout ça. Mais je te dis tout de suite, mon feeling, c'est que le Melo Ball, le recrue de l'année. Le Melo Ball, OK. Dis-moi maintenant, par la suite, il y a eu deux transactions majeures dans la NBA. Russell Westbrook qui s'en va. Washington. À Washington pour John Wall. J'avais un blanc de mémoire. Écoute, Westbrook avait demandé d'être échangé. Harden avait demandé d'être changé. Westbrook voulait un changement et on a réussi à trouver une maison avec donc tu as mentionné John Wall pour Russell Westbrook. Je pense qu'il ne faut pas oublier l'entraîneur-chef des Wizards, c'est Scott Brooks, qui était son entraîneur à OKC. Donc, ça pourrait être intéressant. Puis je pense que Westbrook a besoin d'être le gros nom de l'équipe, pas partagé quand même. Fait que je m'attends à avoir une très bonne saison de Westbrook cette année. Et puis, vu qu'on parle de Westbrook, mais du côté du Houston, Danny, on ne sait pas ce qui va se passer. Garden, lui, il a demandé des questions. Pascal, c'est pas moi. On va faire une pause et on va regarder ce qui va se passer en 2021. Vous écoutez de la rétrospective de la NBA sur les ondes d'AnalyseSport.com. Le personnel et la direction de Saint-Félicien Chevrolet souhaitent à toute la population une bonne et heureuse année et vous remercie de la confiance que vous avez témoignée durant la dernière année. Que 2021 vous apporte paix, amour, santé et prospérité. Saint-Félicien Chevrolet, au 762 boulevard Sacré-Cœur, à Saint-Félicien, 418-679-1605. Vos caisses Desjardins du Lac-Saint-Jean vous souhaitent de joyeuses fêtes. Que cette période soit empreinte de douceur et de magie. Et que votre année 2021 soit plus sereine et remplie de petits bonheurs de la vie. Meilleurs vœux à vous et à tous ceux qui vous sont chers. BR Métal, avec ses quatre divisions mobilierpublic.com, BR Industrie, Aluco et BR Peinture, désire souhaiter un très joyeux Noël et une bonne année à toute la population. BR Métal est un employeur important dans le secteur de Dolbeau-Mistassini et continue sa croissance. BR Métal est situé au 353 rue Gustave Dessureau, au numéro de téléphone 418-276-5888. On est de retour à danazosport.com, c'est la rétrospective de la NBA. Pascal, on va parler maintenant de ce que tu prévois au moment où on se parle, la saison, donc jusqu'à maintenant. Écoute, au moment où on lance ce podcast, il est le 19 décembre, donc on n'a pas commencé encore une fois la saison dans la NBA. Est-ce que tu peux... Les observateurs, je voyais les observateurs pour les Raptors, on lui disait, on lui prévoit la 4e ou 5e place. Est-ce que ça va ressembler pas mal à ça d'après toi? Je pense que ça ressemblait pas mal à ça. Je pense qu'il va se passer encore des choses du côté de Toronto. En passant, ils vont jouer le match à domicile à Tampa, si je ne me trompe pas, juste pour le mentionner. On a vu les matchs d'exhibition. Donc, encore une fois, c'est Kyle Lowry qui était le gros joueur. Donc, moi, je m'attends à ce qu'il y ait des changements. Je pense que Kyle Lowry va probablement vouloir être échangé. Il ne dira peut-être pas fort, mais on va peut-être être échangé pendant la saison. Écoute, du côté de l'Est, comme tu as mentionné, Toronto, 4e, ça fait du sens. Il pourrait peut-être glisser jusqu'au 7e rang, selon moi. Okay. Parce que je pense qu'il y a des équipes comme Washington qui vont être intéressantes. Philadelphie va être bon. Donc, ça va être intéressant de voir ces choses-là. OK. Du côté maintenant de James Harden, qu'est-ce qui va arriver dans son cas? Bien, il est très difficile à échanger. Oui, à cause de son salaire et de sa réputation aussi. Bien, sa réputation, son salaire, tout ce qui est... moi, je pourrais dire ça. Tout ce que James Harden demande, c'est juste pas réaliste en ce moment. Est-ce que la seule équipe que je vois capable, c'est Philadelphie? parce que lui, il aimerait ça aller à Philadelphie. Ouais. Et on a probablement fait Ben Simmons, je pense. Mais c'est ça, est-ce que Philadelphie sont prêts à se débarrasser de Ben Simmons? Moi, j'ai vu le match hier soir, je ne penserais pas. Jeune joueur comme ça. Puis c'est aussi, moi, le point de James Harden, aussi bon qu'il est, c'est le côté équipe. T'sais. Puis là, est-ce que tu mets James Harden avec Joel Embiid ou tu mets Ben Simmons qui veut que Embiid score 40 points? Donc, ça, c'est vraiment intriguant et intéressant à voir. OK. Du côté maintenant des. Comment tu prévois par la suite des choses aussi? Est-ce que les Lakers vont être encore l'équipe à battre? Oui. Moi, je pense que, comme tu as mentionné tantôt, les experts, ils ont Los Angeles champion cette année, avec encore plus de votes que l'année passée. Donc, les Clippers ont baissé, les Lakers ont augmenté au niveau là, de champion. Je pense que l'équipe à battre, c'est Los Angeles Lakers cette année. OK. Pascal m'a souhaité une joyeuse fête, une bonne année, beaucoup, beaucoup de santé en 2021, en espérant une meilleure année, évidemment, dans la NBA et dans le sport professionnel. J'espère, là, parce que là, ça a été de la grosse merde cette année, et au plaisir de se parler. Absolument, Danny, joyeuse fête à toi et à tous les gens qui écoutent Dan Radio Sport. Merci beaucoup. Pascal Jobin, notre collaborateur de la NBA.